Combien de fois tes amis t'ont appelé pour te dire que tu as beaucoup changé? Ils disent que te voir est devenu compliqué, oh, et que c'est l'argent qui t'a transformé. Yeah. Le succès, oh, on a cherché le succès, oh, on a trouvé le succès, oh, c'est devenu problème dans notre temps, oh, yeah. Le succès, oh. On a cherché le succès, oh, on a trouvé le succès, oh, ça veut se garder dans notre main, oh, yeah. Souvent même tu te dis que c'est bon, voilà. Trop d'appels à la fin, ça te rend malade, yeah. Les gens parlent mal de toi ici et là, jusqu'à tu te dis c'était mieux de rester comme ça. Comme ça. Ils n'acceptent pas que tu aies tes priorités. Dommage, le succès, oh. Partout on te voit, c'est les baisses, oh. Si tu n'as pas, tu es mon gars, oh. Quand tu donnes, on dit c'est petit, tu n'as rien fait, oh. Yeah. Le succès, oh. On a cherché le succès, oh. On a trouvé le succès, oh. C'est devenu problème dans notre temps, oh. Yeah. Le succès, oh. On a cherché le succès, oh. On a trouvé le succès, oh, ça veut se garder dans notre main, oh, yeah. Claire, claire, oh, les morts découragent, vrai, vrai, oh. Partout on te traite de faux frère, oh, que t'as oublié tes amis de galère, oh. Tu te poses des questions, qu'est-ce que t'as fait, puis on garde ton nom. Matin, midi, soir, on te met en pression, oh. Tu ne peux plus être présent tous les moments, oh, yeah. Tu as souffert la famille. Même les gens de ta famille, quelques gens de ton pays, pendant que tu te construis. J'ai envie de faire beaucoup, mais tu peux pas aider tout le monde, yeah. Mais ils oublient que c'est ta vie, yeah, que tu dois fonder ta famille, yeah. Et si tu tombes au final, tu seras la risée de tout le monde. Combien de fois tes amis t'ont appelé pour te dire que tu as beaucoup changé? Ils disent que te voir est devenu compliqué, oh, et que c'est l'argent qui t'a transformé.